Alors, il est 18h et une grosse poignée de très, très grosses secondes sur CKRL au 89,1. Vous écoutez Futur Simple et pour poursuivre l'émission, je propose qu'on fasse un petit retour en arrière de 2-3 semaines et qu'on fasse même un saut en avion pour aller à Nagoya. C'est là que se sont réunis les pays membres de la Convention sur la diversité biologique. J'en ai très brièvement parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, on va prendre un peu plus le temps d'en parler et c'est avec Michel Provencher qui est coordonnateur à la biodiversité et de l'APA, on va voir de quoi il est question, au ministère du Développement durable et des Parcs. Bonjour, Monsieur Provencher. Bonjour. Alors, tout d'abord, cette convention sur la diversité biologique, bon, c'est une convention internationale. Est-ce que, première question, est-ce que le Canada, le Québec en font partie? Oui, le Canada a ratifié la Convention sur la diversité biologique il y a déjà plusieurs années, c'était en 1992. Elle avait été adoptée quelques mois avant. Et le Québec n'étant pas un pays, mais c'est le Canada qui a ratifié, donc parce qu'il est un pays, le Québec s'est quand même déclaré lié à la Convention en vertu de la loi sur le ministère des Relations internationales. D'accord. Et donc, le Canada et d'autres pays se sont donc rencontrés à Nagoya dernièrement. En quoi consistait cette conférence? Est-ce qu'il y avait un but particulier? Pourquoi tous ces gens se rencontraient? Oui. La rencontre qui a eu lieu à Nagoya à la fin du mois d'octobre, c'était la 10e réunion de la Convention, des parties à la Convention sur la diversité biologique, la 10e depuis 1992. Et le but de cette rencontre-là, c'est comme une grand-messe, si on peut dire. C'est là que tous les pays partis à la Convention se réunissent pour décider des mesures qu'ils vont prendre pour mettre en œuvre la Convention qui traite de beaucoup, beaucoup de sujets, mais qui sont essentiellement, ça vise la conservation de la vie, de la bonne qualité du milieu environnant, si on veut, sur la Terre. D'accord. Et on a vaguement entendu, il y a eu quand même quelques échos depuis que cette convention s'est terminée, donc on a entendu un petit peu que l'un des enjeux majeurs, c'était le protocole sur l'accès et le partage des avantages. Ça veut dire quoi, ça? Accès et partage des avantages? L'accès à quoi, les avantages? De qui? Pour qui? Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est un peu complexe comme ça, a priori. L'APA, comme on appelle, ça, pour l'APA, accès et partage des avantages, ce que ça vise, c'est ça vise à encadrer l'accès aux ressources génétiques pour, après ça, en favoriser un partage équitable de ces avantages-là. D'accord. On peut tirer de l'utilisation des ressources génétiques. Donc, les ressources génétiques, qu'on peut définir un petit peu? Oui. Les ressources génétiques, de manière générale, ce sont les organismes vivants sur la Terre. Mais, disons, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, et c'est ça qui a été défini dans le protocole de Nagoya sur l'APA, qui a été finalement adopté in extremis il y a des semaines, on entend par ressources génétiques tout organisme vivant, en fait, on va dire des animaux, des plantes ou des micro-organismes qui ont une valeur réelle ou appréhendée ou future, si on veut dire, peut être utilisée pour faire la recherche en laboratoire, par exemple, et éventuellement développer des produits qui auraient des propriétés intéressantes à partir de ces ressources génétiques-là. Donc, on peut imaginer que, par exemple, utiliser une plante pour en faire une recherche en laboratoire puis découvrir une molécule active d'intérêt. Et après ça, bien, disons, ça peut aller jusqu'au brevet du procédé pour extraire cette molécule active-là ou même synthétiser la molécule active et faire des sous avec ce qui pourrait en résulter. Alors, l'APA vise à encadrer comment accéder correctement à cette ressource génétique-là et après ça, comment devrait se faire le partage des avantages, sous quelles règles, pour qu'il y ait un retour équitable des avantages qui seraient tirés monétairement ou même non monétaire à ceux qui ont fourni la ressource génétique. Donc, accès, ça veut dire c'est pour y accéder, mais pourquoi y aurait-il un problème pour y accéder? On ne peut pas aller dans le bois puis cueillir notre plante, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. La Convention établit clairement, et c'était la première fois que ça s'est fait en 1992, que les pays sont propriétaires de leurs ressources génétiques. D'accord. C'est-à-dire qu'avant la Convention, les plantes, tout ce qui est vivant, on considérait en quelque sorte que ça appartenait à l'humanité. Et en quelque sorte, n'importe qui pouvait aller dans une forêt, cueillir une ressource, une plante ou un microbe, peu importe, puis faire des recherches avec ça, puis pas demander de permis à personne, à la limite, disons. C'était dans un parc, bon là, c'était peut-être un peu différent, mais Alors que maintenant, avec la Convention, ça a établi que le pays est responsable de ces ressources génétiques-là et peut fixer des règles pour accéder à cette ressource. À cette ressource. C'est ça qui était visé depuis 1992 avec l'adoption de la Convention, en fait le troisième objectif de la Convention, mais ce n'était pas encore encadré, ce n'était pas encore établi légalement. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est ça qui est venu définir le protocole mm-hmm. de Nagoya. D'accord. Parce que là, en fait, pour dire peut-être plus clairement les choses, c'est souvent des ressources qui appartiennent dans les pays du Sud, donc on pense à l'Amazonie, peut-être à l'Indonésie, je ne sais pas, et c'est les pays du Nord donc qui veulent accéder à ces ressources. En général, mais de ce que je comprends, c'est que ces ressources-là, finalement, sont la propriété du Brésil. Par exemple, c'est les industries du Nord qui demandent un accès. Et oui. Donc, le Brésil qui veut un partage des avantages? Oui, c'est ça, en quelque sorte. Ouais, c'est bien résumé. C'est qu'en fait, tout ça origine d'un problème. C'est que, à venir jusqu'à maintenant, si on peut dire, il y avait des cas de ce que l'on appelle la biopiraterie. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y avait beaucoup de grosses compagnies, là, disons, qui viennent des pays du Nord la plupart du temps, qui faisaient de l'exploration en Amazonie, en Afrique, en Indonésie, parce que ce sont, en fait, la zone équatoriale autour de la Terre est très riche en biodiversité. Mm-hmm. Et c'est là que, donc, puisqu'on dit qu'il y a une grande diversité d'organismes vivants, mais il y a aussi une plus grande chance de trouver des produits, donc, des molécules intéressantes, ouais. C'est ça. Et donc, ces pays-là ont fait l'objet, on peut l'imaginer facilement, des explorateurs qui vont en Amazonie pour faire demander à des autochtones quelle plante est intéressante mal de tête, par exemple. Puis, ils collectionnent la plante, puis ils s'en reviennent ici dans nos laboratoires, font de la recherche, et il n'y a pas eu aucun contrat ou d'entente. Et ça, les pays du Sud étaient victimes de ça, ce qu'on appelle une biopiraterie. Ouais. Et c'est eux qui demandaient, en fait, assez instamment, depuis une dizaine d'années à peu près, qu'on mette fin à ça et que pour ça, on établisse des règles internationales. Donc, qui ont poussé beaucoup pour que un protocole soit adopté. Et c'est ce qui est arrivé, une extrémiste, parce que non, ça s'est terminé le 29 octobre dernier à Nagoya. Ouais. Il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient là, qui représentaient 193 pays. Et normalement, il devait avoir une décision le vendredi, à 6 heures habituellement. Et ça jouait dur, comme on dit. Puis finalement, ça a été à 2h59 de la nuit du samedi matin pour arriver à une décision qui était un compromis qui était finalement acceptable par les parties. Qu'est-ce qu'il dit, ce compromis, finalement? Est-ce que les pays du Sud ont réussi à obtenir certaines garanties pour bénéficier de leurs ressources? Oui. En gros, ce que ça dit, c'est que lorsqu'on voudrait accéder à une ressource génétique dans un pays, il va falloir obtenir un accord préalable, en connaissance de cause, par ce pays-là. En fait, ce pays-là va... En fait, le protocole établit des règles de base internationales et ce sera chaque pays qui voudra ratifier le protocole en question de mettre en place dans son pays des lois qui vont appliquer le protocole de Cartagena et de Nagoya. Mm-hmm. Et donc, par ces lois-là, ça va peu varier selon les pays, la façon de le faire, mais ça devra toujours avoir respecter l'objectif du protocole de Nagoya. Et c'est là que, par exemple, on va déterminer dans les lois nationales quelles sont les règles pour accéder à la ressource génétique, avoir un permis pour accéder, ou un accord préalable à ma connaissance de cause, c'est le bon mot. Ouais. Et l'autre condition qui est fixée, c'est, en plus d'avoir un accord pour accéder à la ressource génétique, il va falloir aussi faire une entente pour déterminer les conditions de partage des avantages. Ce qu'on appelle des conditions convenues d'un commun accord. C'est en quelque sorte un contrat qui devrait être signé entre celui qui fournit la ressource génétique, ça peut être soit un privé ou un PAC, par exemple, qui va signer une entente avec celui qui va vouloir utiliser la ressource génétique pour faire la recherche. Puis, si effectivement ça mène à des profits, ça mène à des avantages plus tard, bien l'entente va avoir déjà dit, vous devez nous retourner, je ne sais pas, 5% peut-être des royautés. Enfin, ça, c'est pas fixé, les chiffres en question, mais le mécanisme est fixé. D'accord. Et très rapidement, parce qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps, est-ce que ça a des impacts sur le Canada, sur le Québec? Parce qu'après tout, il y a peut-être des ressources génétiques aussi à exploiter dans sur notre territoire. Tout à fait, tout à fait. En fait, les ressources génétiques, il y en a partout, on le devine, ben oui. Des bactéries, il y en a vraiment partout, et chacune peut receler des avantages qu'on ne connaît pas maintenant, puis qu'on va peut-être découvrir, mm-hmm. et il y a plein de cas comme ça. Et donc, au Canada, c'est certain qu'on a des ressources qui sont d'intérêt, qui peuvent être exploitables et exploitées. Et donc, oui, on est concerné. Actuellement, d'ailleurs, Environnement Canada coordonne un groupe de travail interprovincial pour déterminer quelle forme pourrait prendre une politique d'APA au Canada. Et le Québec s'est engagé à contribuer dans ces travaux-là. Et éventuellement, on va, suite à Nagoya, on va revoir la façon mm-hmm. dont il avait été discuté jusqu'à maintenant pour, après ça, décider d'un cadre, on pourrait dire, global, qui déterminerait les bases au niveau national. Puis après ça, ben, ce sera au Québec de l'appliquer chez lui selon ses lois et règlements. Mm-hmm. Et peut-être qu'il y a des informations qu'on peut aller trouver sur votre ministère pour en savoir davantage cet APA, sur le, je sais plus la comment convention sur la diversité biologique aussi. Oui, tout à fait. Sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, il y a une bonne partie du site qui traite de la biodiversité. Mm-hmm. C'est facile à voir dans les onglets du début. Là. Et en cliquant là-dessus, on arrive à une série de menus qui parlent de biodiversité, dont l'APA, justement. D'accord. Les OGM, etc. Oui, et je pense que pour les OGM, c'est encore une autre question, un autre protocole dont David nous avait parlé d'ailleurs l'année dernière, le protocole de Carthagène. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est un petit peu tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup, monsieur, d'être venu nous faire ce compte-rendu de ces négociations qui ont eu lieu à Nagoya. Et puis, j'invite tout le monde à aller voir les documents du ministère pour en savoir encore plus. C'était donc Michel Provencher, coordonnateur à la biosécurité et à l'APIA au ministère du Développement durable et des Parcs. Et bien maintenant, on part en pause musicale sur CKRL 89,1.